toujours été là. Ma vulgarité fait que je n'ai jamais été lâche. T'as pas idée, et t'as pas idée. Tout le monde m'attend, mais j'ai toujours été en retard. Avec Thaïs dans le barrio. Si je t'envoie la balle, tu vas pas l'arrêter. Elle fait la belle, elle fait la Maria. Tu peux remballer, personne t'a validé. J'ai pas de temps, laissez-moi dans mon délire. J'ai pas le temps d'avoir le temps, d'avoir le temps pour le dire. Tiens, allez, je me lance, je suis pas pour tenir. À chaque fois que je te parle, je sais bien que je te dis ce qu'elle. Quand je te regarde, tu me parais louche, de toute façon dans mon regard. Et bah tu sais que je m'en fiche, t'inquiète pas. La roue elle tourne, elle tournera, elle va tourner très vite. Elle fait la belle, elle fait la mise, c'est une miche tout. Je la rappelle personne, elle veut me michetonner. C'est moi la porte, moi j'avais trop mais c'est une miche tout. C'est dans mon cas qui est pillé, y'a mon pistolet. Elle fait la belle, elle fait la mise, c'est une miche tout. Je la rappelle personne, elle veut me michetonner. C'est moi la porte, moi j'avais trop mais c'est une miche tout. C'est dans mon cas qui est pillé, y'a mon pistolet. Quoi de neuf, frérot, quoi de neuf. Depuis le temps, elle m'en fout cette meuf. Elle veut son sac plongeant, elle veut du Givenchy. Elle est trop marrante, elle aura que des arbitres. Frère, on la connaît. Mais je lui ai dit nanana. Frère, on la connaît. Mais j'ai pas son temps, nanana. Rabat dans la ville, je m'en fous ton affiche. Sur l'eau, je fais le titre, j'ai plus la pile. Paraît-il qu'elle est magnifique. Elle est pathétique, elle veut pas rapide. Quand je te regarde, tu me parais louche. Passons dans mon regard. Et bah, tu sais que je m'en fiche. T'inquiète pas, la roue elle tourne. Elle tournera, elle va tourner très vite. Elle fait la belle, elle fait la mise, c'est une miche tout. Je la rappelle. Avec les billets, y'a mon billet.